À l'occasion du nouvel an lunaire, le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a reçu le 28 janvier un message de félicitations du président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, président du Comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine. Le destinataire se montre fier du ferme lien d'amitié historique entre les deux pays et les deux peuples et s'exprime convaincu du développement continu de ces relations conformément au bien-être et aux intérêts communs. Il apprécie vivement le soutien et la solidarité absolue et invariable de la République populaire démocratique de Corée envers la lutte du peuple palestinien pour recouvrer tous les droits des Palestiniens et fonder un État indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est, et souhaite finalement santé et bonheur aux dirigeants suprêmes coréens.